Antena 1. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Fait mille la jaune, si on y fait la guerre, si on caboye alcool, si on fin mystique, si on tombe en trap, si on pète les plombs, si on bâti en vrac, est-ce qu'il y a ou que y'a mes moins aussi qui font des barras, si on pète force, si on tombe malade, si des meilleurs pas tenir les mêmes finances, mais ben dis-moi est-ce qu'il y a pas qu'il y a une incidence, quelle relation à nous qui est pequeine, oh, est-ce qu'il y a flamme à l'amour la caille éteint, non, est-ce qu'il y a l'amour à où j'ai ni sommeil, est-ce qu'il y a l'amour. Arc-en-ciel 96.2, votre émission Groupe Tropical, le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. C'était Fanny J avec Monsieur Saïk sur le 96.2 de la musique, bien sûr, durant 2h, 18h, 20h de la musique qui nous vient de la Caraïbe avec du zouk, du compas. En tout cas, je souhaite une très très bonne soirée à ma compagnie. Allez, on continue comme ça avec un petit peu de compas. Il va y en avoir beaucoup encore ce soir parce que je sais que vous aimez beaucoup ça. L'album de Jack Woods avec Libre d'Emery. Un beau programme. 18h, 20h. C'est votre émission Gros Tropical et c'est Chantal qui vous accompagne. Pour combien de temps à continuer la comme pour gommer pour combien de temps à continuer demander où mes têtes avec. Pour nous faire tout le monde voir, chasser tout le préjugé, qui voulait gâter le projet. Moi j'en ai marre, oui j'en ai marre. Pour combien de temps, m'a continué, on vit célibataire. Pour combien de temps, m'a paix pour tout ça, m'a responsable. La vie, moi misérable, moi ça voulait vous comprendre ça. Et puis, quel sentiment. Aimer à peine, papa a déclaré la guerre. Maman a décidé, mais pas même moi, social avec les autres. se pral pi bel kado. Konbyen tan m'ap kontinye mene yon vi de rêv? Ou konbyen tan relasyon nou ap rete ireyèl? Ou vle pou m'pran pasyans ou pa kaban m'asirans? Kèl ke swa kondisyon, nou pa pechwe, nou pa pechwe. Ou deklare la guerre. Maman ou desite mwen pa mwen nan sosyal avew. Dezobeyi yo yon fwa. Ou yon teme se pral pi bel kado. soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Je me la raconte, ouais, qu'est-ce que je me la raconte. Ouais, j'ai des défauts, mais y'a beaucoup de qualités. Lors des premiers dates, on va éviter les pailles. T'es trop un charo, donc on va décaler les pailles. Tu commences, tu veux savoir mon body count. Ça change quoi, tu veux goûter body count. Body count. Fais pas le fou, c'est moi ton médicament. Quand je demande, il le fait avec passion. Il veut me prendre à quatre calmes, me traiter comme ça. Ce soir c'est chaud, il envoie des messages. C'est lui le pacha, il veut venir me voir. Ce soir c'est chaud, c'est lui le pacha. Mais mon négro, je suis high steam. Trop high steam, ce que je reçois c'est pas chier. Mon négro est fâché, fâché. Il faut pas te fâcher. Un bandit mon chou, chou, chou. Mais tu restes mon chou, chou, chou. Tu doutes en vrai. Mais tu restes mon chou. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas trop d'accord? Toi c'est la dictature et tu fais pas trop semblant. Des comportements de Poutine qui me repoussent. J'ai déjà dit j'aime pas ça, là. Arrête-moi ça. Adoucis-moi ça. Je mérite au moins ça. Que ta vie je suis la star. J'ai un goût de vanille, c'est comme automatique. Je le rends fébrile sur son gâteau, je suis la cerise. Aimé amour, dingue aimé amour. C'est le sucre dans ma life. Eh oui. Si t'es tombé sur ma route, c'est pas par hasard. C'est pas par je le vois, je le ressens. Mais mon négro, je suis high steam. Trop high steam. Ce que je reçois, c'est fâché. Mon négro est fâché. Fâché. Il faut pas te fâcher. Un bandit, mon chou, chou, chou. Mais tu restes mon chou, chou, chou. Tu doutes en vrai. Mais tu restes mon chou, chou. Conseil 96.2 dans votre émission Groupe Tropical, petite nouveauté. Oui, c'est une nouveauté de l'été quand même, hein, sur le 96.2 à Orléans, bien sûr, c'est Chouchou avec DJ KOS. Et puis, bien sûr, Aya Nakamura. Ah, il a réussi son coup quand même, là. Bien, allez, pour les fanatiques du compas, je vous propose un petit retour en arrière avec Vibe. C'est le titre Mighty. Très très bonne soirée, on m'accompagne Chantal avec vous jusqu'à 20h, c'est votre émission Groupe Tropical. Je n'ai plus d'elle, je ne plane pas. Je tombe à 100 000 à l'heure. À ce choc, non, je ne survivrai pas. Ça m'a frappé en plein cœur. J'ai merdé ça, je ne le cache pas. J'essaie de nous garder en l'air, mais les commandes ne répondent pas. Alors je lance un SOS. Alors est-ce que quelqu'un me reçoit? Je veux réparer mes malaises, mais les mots ne suffiront pas. Alors je lance un SOS et j'espère que tu m'entendras. Notre amour est en détresse. Est-ce que tu me reçois? Tour de contrôle, m'aider. Est-ce que tu pourrais m'aider? Je sens que je vais m'écraser. J'ai besoin de toi. Tour de contrôle, m'aider. Non, ne me laisse pas tomber. Avant que je fasse tout sauter. J'ai besoin de toi. Tour de contrôle, m'aider. Sentis-moi déboussolé. L'amour s'est presque tombé dans l'eau. Tout ça me fait pas marcher. Pas une force encore gaz, mais à zéro. se voit signal radio. Mais par contre, s'il a passé, moi profiter vous yon dernier mot. Avant que le son est SOS, allons est-ce que quelqu'un me reçoit. Je veux réparer mes maladresses, mais les mots ne suffiront pas. Alors je lance un SOS, et j'espère que tu m'entendras. Notre amour est en détresse, est-ce que tu me reçois? Tour de contrôle, mayday. Est-ce que tu pourrais m'aider? Mayday. Je sens que je vais m'écraser. Notre amour est en détresse. Est-ce que tu me reçois? Joie gentil. À chaque jeudi entre 18h et 20h, sur votre émission Groupe Tropical sur l'Arc-en-Ciel. Des petites nouveautés, on va en avoir beaucoup ce soir. On va aussi avoir beaucoup de copains, beaucoup de zouk. Très très bonne soirée en ma compagnie. Je connais tous tes secrets, on se parle depuis longtemps et c'est tellement bien. Sans soulager de l'avouer, j'attendais juste qu'on se rapproche enfin. Et j'ai prévu cet anneau à ton corps. Je sais que tu partages ton corps. J'aurais dû faire demi-tour depuis longtemps. Mais nous deux, c'est juste une question de temps. T'as pas idée de combien j'apprécie. De tes pieds jusqu'à la pointe de tes îles. Tu fais partie de ma vie, t'es tout ce que j'attendais. T'es mon meilleur ami, le seul qui me connaît. C'est trop, oh, ah. Pour moi t'as tout ce qu'il faut. Celui que j'ai choisi, celui qui me vaut. Et tout c'est pour la vie. Toi t'es mon bébé. Toi t'es mon bébé. Toi t'es mon bébé. Toi t'es mon bébé. Entre nous c'est nos limites. Nos limites, j'aime quand tu me touches sans limite, sans limite. C'est vrai que tu m'intimides. J'avoue qu'entre nous c'est magie. On se comprend, pas besoin de se parler. Juste un regard échangé, c'est carré. Mais tu sais que je suis à toi. À toi. Entre nous c'est trop, tout, trop, tout, oh, ah. Entre nous c'est trop, tout, trop. C'est one shot, don't talk. Hey, Nicole, du. Sans caler, sans comment. Montez en l'aimer, pas pétant. Papa, pas les banous, mauvais temps. Ces femmes-là disent, on sera assez vécu, nénénéné. Pas coûter ces cochonnés, non, non, non. Pas coûter ces cochonnés, non, non, non, non. Pas coûter ces cochonnés, non, non, non. Pas coûter ces cochonnés, non, non, non, non, non. On toujours fait femme, compliment. Ok, yo, on l'aime pas, continent. Voyez, on va payer un lait, polina. Mon bon, j'ai crié mes monuments. Cassé, commandé, qu'on fait des chasses. Au seul avant, les yens qui pétassent. Pas vu ni confié, quand on va me poser. Pour vous plaire, à deux oreilles, mon petit bail. Miguel, le, sans caler, sans comment. Montez en les mains, après temps. Papa, parlez pas nous, mauvais temps. Ces femmes-là disent, on sera assez vécu, ni ni ni ni. Pas coûter ces cochonnés, non, non, non. Pas coûter ces cochonnés, non, non, non, non, non, non. Pas coûter ces cochonnés, non. Nous la Catalunya, Sakalia, yo we, nous ka fonction sans yo ka parler mal, yo mal, calé jolo do pas yo pas ça parler bail, nous mal, nous lit tellement gonyo de nous chata légal, mais Jaco ne bou matiné, nous ça fait bon nous pas que tu me, avec chaud montrer ma jambe humide, on nous pompier nous, nous pas qu'à compte minute, qui gueule de, Sakalia, c'est comment, on te y a les mains, pas près de temps, pas par les ballons, mauvais temps. Ces femmes-là disent, on sera assez vécu, nénénéné. Pas coûter ces cochonnés, non, non. Pas coûter ces cochonnés, non, non, non, non. Pas coûter ces cochonnés, non, non. Pas coûter ces cochonnés, non, non, non, non. Là, c'est comment des confis. crazy shit. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Ça t'a fait longtemps, nous, car nous. Manque à penser à nous, reconnaître nous. Mais souvenir bien tard. Bien le bon moment pour nous songer. C'est l'amour, c'est l'amitié depuis l'année. Tout mon temps nous a passé. Gardez tout ça l'année. Nous prenons bel plaisir, nous pas mourir. Ni délai, ni plaisir. Obligé ou peut pas arrêter loin trop longtemps. Non, non, j'ai nous gonflé ici dans. On y garde un pigeon nouvelle. C'est un enfant mine, tout ça, nous pas tout seul. C'est un amour naturel. J'en ai ma vie ni pour me parler pour pas tout savoir. Pas besoin de réfléchir, parce que ça nous a vu. Tropical, un grand merci à Tony Chasseur. C'est vrai que danser ça fait un bien fou. Oublie tout, hein. Virginie Pou, cet extrait sur tout dernier album, en tout cas, moi j'adore. On va continuer comme ça, avec un petit peu de compas. Avant de retrouver Eric Birgal, d'ici quelques petits instants, je vous propose d'écouter Cross, là. Et c'est balancé, bébé. N'hésitez pas, hein. Allez, 18h20, votre émission Groupe Tropical. J'ai rejoint la pêche, moi, dis donc. Allez, j'avoue, je tape pas mal tout à l'heure, quand même. c'est bébé. Je comptais, me recomptais, que la personne qui m'a enfanté. Je suis dit que, la zika, faut payer les travaux de sa caille. Des molaires, des polaires, le sommet, dernier point du sommaire. J'étais trois, j'étais R pour m'éloigner de là où j'étais hier. Ce soir, c'est ne pas manger les locks. Tu sais m'aimer, lâcher les tox. Des papiers, trop pour le prix. Je veux les deux poches, grand pis au botox. Ce soir, c'est tombé et puis Wina. J'ai bossé pendant tout l'été. J'ai bossé pendant tout l'été. Je comptais les tiens. Comme Lucas, je vais faire manger mes refs. Refocus pour guetter ses fesses. Coco a voyagé dans Pompès. Chachille a donc maintenant je plaise. On m'oppose avec ou sans veto. LOVE pour combler mes plaies. Cheval cabré, ça fait gnognon. Je me prends pour les Russes. J'arrive en psy, donc j'analyse. Comment il me guette la Russe. On m'a dit protège ton bail. Prends le mal par le mal. Le drapeau nord s'y adore. Capital, cocktail, capirina. J'ai donné beaucoup à ma maman, donc là c'est bon. Bébé, dis-moi où on va, concours nous contre ta cana. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil, plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. S'éloigne de moi, dommage mais tant pis. Si peu à peu je perds la foi, mais je t'interdis de vivre loin de moi, loin de moi. Aïe, aïe, aïe. Sans toi, c'est comme un jour sans lui. petit sanctuaire. Il y a des duos comme ça, hein, qui vous touchent, hein, Marvin, Félicia Ross. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce titre. Un autre duo tout de suite, qui fait partie des nouveautés, de cet été 2025. C'est Jim Rava avec Mademoiselle Vanessa Désiré. C'est Rété. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Et tout de suite après, on aura un petit doudou, Monsieur Osvaldo. Tout ça me fait pour faire du bien, rendre des pas j'en suffis, moins démunis. Tout ça me fait peur, pas j'en assez, oublié encore mes poupées. Like a model from my poster, but I like all the pics you post on Insta. preacher, but I really, really wanna put it on show. She likes it ghetto, she can also ride it slow, so give me that ghetto, ghetto, good wine, ghetto, ghetto, good wine, give me that ghetto, ghetto, good wine, ghetto, ghetto, good wine, now give me that slow, let me get my umbrella, Ella. Girl, I won't stop until I please ya. If you like French, let me be your teacher. J'ai envie de te faire l'amour. Girl, I really, really wanna put it on you. She likes it ghetto. She can also ride it slow. Ride it slow. So give me that. Bonbons, encore c'est la Champions League. Amina, Amina. 96.2. La FM en couleur. À la base, y'avait pas les sentiments. À la base, on était là que pour les bons moments. À la base, on était là que pour les bons moments. À la base, y'avait pas les sentiments. Je me rappelle quand tout a commencé. On s'était dit oui, juste pour. T'es la seule qui m'a fait ça. Nina, Nina. Tous les chemins mènent à toi. Nina, Nina, Nina. C'est dans tes yeux que je m'abandonne. C'est dans tes yeux que je me sens un homme. Main dans la main, ton cœur est le mien jusqu'à la fin, yeah. Quand tu me touches, c'est trop, j'avoue. Chaque fois que je te vois dodo, je comprends pas, je perds le contrôle. Maintenant je vois plus ma vie sans toi. T'es devenu ce que j'imaginais pas. T'es la seule qui m'a fait ça. Nina, Nina. Tous les chemins mènent à toi. Nina, Nina, Nina. C'est dans tes yeux que je m'abandonne. C'est dans tes yeux que je me sens un homme. Main dans la main, ton cœur est le mien jusqu'à la fin, yeah. Bye. Jodi la mouè la, demè an pa sav. An dout ke dousan an pa diyo ke bav san an pa bav. An pe diyo ke sa anvoi. Yon peri ban mwen san fin. Chak ti mouman pa si ou waw. Si yon voyaj, ou ka fe mwen depale wè. Ou ka fe mwen devoile mwen. En sou se teke ou pare wè. Si kache an fonzi mwen. Caché en fond, yeux noirs. Mais moi déjà, c'est tellement ma tête qui est serrée longtemps. Mais des bras longs, mon saisis-moi. Caresse-moi toujours, car ravagez-moi. Mais gardez-moi, ma bonne chère. C'est là qu'il y plus de gars. L'ombre joue qu'à tranquilliser-moi. On ne sait point pas jouer. On dit plus. Tellement t'es venu briser à cette loyer. En débras, yeah, en débras. Ou qui t'aime tout ça, ça en peut pas dire. Qui a bien fort. Mais c'est moi qui a bien fort pour reprendre ça, Dieu dit. Caresse-moi toujours, car mangez-moi. Mais gardez ma bonne chère. C'est là qui n'y plisse tes gars. L'ombre joue qu'à tranquilliser. En couleur. Mikado. Il est pas commenté en bas pour briser. Un profil extra pété. Zéro photo et trois abonnés. Sa mère, si c'est vous, yo yo, vous, yo, pour déchirer moi. Vous, yo, pour ça détruire moi. Si c'est vous, yo, pour décaler moi. C'est ça pour moi aujourd'hui. Ah, voilà, toujours ni yon. Toujours ni yon pour ça détruire. Ah, voilà, toujours ni yon. Toujours ni yon pour ça salir. Voilà, toujours néon pour sa mode. Ah, voilà, toujours néon. Voilà, qu'est-ce que je fais? Ah, voilà, ce que je réponds? Ah, voilà, ces petits cons où je laisse passer? Ah, voilà, qu'est-ce qu'ils me veulent? Ah, voilà, ce que je réponds? Ah, voilà, avec un petit bon qui finit pas maman. Toujours n'y a pour venir caler Jelai. Toujours n'y a pour penser à qui bataille. Toujours n'y a pour penser à cabaye. La photo fila, le canil la penbaye. Toujours n'y a pour manquer ou d'y respecter. Pour prendre que la vie a fait pour détester. Mou, pour sa complexe, mou, pour sa dérailler. Mou, mais là, ah ouais, pour m'a tombé. Ah ouais, pour m'a tombé. Ah ouais, pour m'a tombé. Ah ouais, pour m'a tombé. Je me demande toujours. Pourquoi les gens s'acharnent de la vie courte? Je suis là tranquille et pas. Commentaire bad pour buzzer. Bad pour buzzer. Un profil extra pété. Zéro photo et trois abonnés. Sa mère. Si c'est vous, yo yo, vous, yo, pour déchirer moi. Si c'est vous, yo, pour décaler moi. C'est ça pour moi aujourd'hui. Ah, voilà. toujours ni yon, toujours ni yon pour ça détruire ou ah. Voilà, toujours ni yon, toujours ni yon pour ça saler ou ah. Voilà, toujours ni yon, toujours ni yon pour ça mordre ou ah. Voilà, toujours ni yon. 96.2 de votre émission Groupe Tropical. Petit retour en arrière avec un superbe album, hein, quand même. Un New Look, bien sûr. Arlu La Rivière avec ce titre Moins Déçu. La musique continue avec justement un autre tour en arrière. C'est pas une nouveauté, bien sûr, puisque c'est un vieux truc, mais alors je sais même pas où j'ai été le chercher. Luc Perdry, c'est un medley. Écoutez ça. Non, pas tout. Bon, je pense que j'ai le souci. On s'en prend l'heure d'aller au lit encore. Allez, en place. C'est parti. On a pour 12 minutes. Les ouais nous a des paroles en moins salées. C'est vous celles qui savent qui j'en pour plus écrire. Les ouais moins enragé, super énervé. C'est vous celles qui savent calmer, mon cœur qui désarmé. À la demande du public. Vous cassez-les moi, mon poche qui n'est si haut. Où ça vient du doux? Québécois. accélérateur ou plancher. Oh, oh, oh. Accélérateur ou plancher. Oh, oh, oh. En vrai, aimer on l'a dit. En vrai, aimer on m'a dit. En vrai, aimer aussi la vie. Tout est sa montée. En vrai, aimer on j'ai dit. En vrai, aimer on samedi. Oh, oh, oh. Chaque sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. God bless, oh mon bébé, God bless you. Je te fais perdre la tête, je te fais vibrer sans pression. Tu savais que c'était danger de me fréquenter. Non, t'auras pas mon cœur, même si je sais que t'es tenté. Je sens ton cœur s'emballer. Mes mains sont emballées. Maintenant tu deviens chelou. Je sens plus la cadence entre nous. Va pas trop vite. J'appellerai pas. Chaque jeudi 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Dis-moi si on a envie d'aimer, envie va nous tomber, on s'attache. veux t'aimer pour toujours. 96.2, c'était Kim C avec Mon Roi sur le 96.2. Il est presque 20h, il est bientôt l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, même soleil, même musique également. Et puis je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Bonne rentrée à vous tous, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer le boulot la semaine prochaine, comme moi par exemple. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, je vous laisse en compagnie de Kassav avec leur célèbre titre interprété par Jacob Delarieux, à qui on pense très fort, et si je vais trouver. Noites Europeias de Futebol em Lisboa, a partir de setembro, nesta edição às 7, os